La Bible David Martin 1855. Épître de Saint Paul à Philémon. Philémon chapitre 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, et compagnon d'œuvre, et à Apphi notre bien-aimé, et à Archip, notre compagnon d'armes, et à l'Église qui est en ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes prières. Apprenant la foi que tu as au Seigneur Jésus, et ta charité envers tous les saints, afin que la communication de ta foi montre son efficace, en se faisant connaître par tout le bien, qui est en vous par Jésus-Christ. Car, mon frère, nous avons une grande joie et une grande consolation de ta charité, en ce que tu as réjoint les entrailles des saints. C'est pourquoi, bien que j'ai une grande liberté en Christ de te commander ce qui est de ton devoir, cependant je te prie plutôt par la charité, bien que je suis ce que je suis, savoir, Paul, ancien, et même maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie donc pour mon fils Onésime, que j'ai engendré dans mes liens, qui t'a été autrefois inutile, mais qui maintenant est bien utile à toi et à moi, et lequel je te renvoie. Reçois-le donc, comme mes propres entrailles. Je voulais le retenir auprès de moi, afin qu'il me servît à ta place, dans les liens de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ce ne fût point comme par contrainte, mais volontairement, que tu me laissasses un bien qui est à toi. Car peut-être n'a-t-il été séparé de toi pour un temps, qu'afin que tu le recouvrasses pour toujours. Non plus comme un esclave, mais comme étant au-dessus d'un esclave, savoir, comme un frère bien-aimé, principalement de moi, et combien plus de toi, soit selon la chair, soit selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton compagnon, reçois-le comme moi-même. Que s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le-moi en compte. Moi, Paul, j'ai écrit ceci de ma propre main, je te le payerai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, mon frère, que je reçoive ce plaisir de toi en notre Seigneur, réjouis mes entrailles en notre Seigneur. Je t'ai écrit, étant persuadé de ton obéissance, et sachant que tu feras même plus que je ne te dis. Mais aussi en même temps prépare-moi un logement, car j'espère que je vous serai donné par vos prières. Epaphra, qui est prisonnier avec moi en Jésus-Christ, te salue. Marc aussi, et Aristarque, et Déma, et Luc, mes compagnons d'œuvre. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.